Et je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 18h, comme chaque samedi, c'est le petit bal du samedi soir. On écoute maintenant Bernard Marley qui nous interprète Boîte à musette, boîte à frissons. Bernard Marley qui a fait X fois le Tour de France, non pas en vélo, mais en caravane avec son accordéon, comme Yvette Horner, rappelez-vous. Bernard Marley, mon tango savoyard. Thank you. continue toujours avec Bernard Marly, c'est le Passo du Mont Blanc. Bon, le Passo du Mont Blanc, j'ai dit voilà. Maintenant, une valse avec Sébastien Perrin et ça s'intitule La Printanière. C'est passé le printemps, hein. Quand même, il faut le dire. Et c'est de la part de Simone pour ses amis des têtes dansantes, de l'accordéon, bien sûr, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur, sans quoi on n'écouterait pas tous ces beaux morceaux. Merci Simone, puis bon après-midi. We'll be right back. Et on continue l'accordéon, bien sûr, à 16h22 minutes sur Radio Arc-en-Ciel, sur le 96.2. Et pour les internautes, vous connaissez, je pense, le site de la radio, arc-en-ciel. Non, je me trompe, www.radio-arc-en-ciel.fr, 96.2 FM stéréo. Voilà, vous avez tout, ou à peu près. On va écouter. Eh bien, on va revenir à Marcel Masson, et ce sera l'entrée du Matador. La danse des canards avec Bernard Marly. J'espère que ça va marcher. Je ne sais pas. On va voir, on va faire un petit jingle en attendant. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Yeah. Où est passé ma bohème? C'était Bernard Marley. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Et sur Radio Arc-en-Ciel, on continue l'accordéon avec toujours Bernard Marley. Eh bien, on continue toujours en accordéon, 16h passées de 41 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Vous êtes sur le 96.2 Radio Arc-en-Ciel, et on va écouter maintenant Marcel Masson, qui va nous interpréter. Le Marcel, là. C'était la valse lente de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur, merci. Et bon après-midi à tout le monde. C'était la valse lente, les musiques d'antan, on chantait heure exquise, les belles mélodies. Aujourd'hui l'on voudrait, oui, à nouveau les entendre, tout au long de l'année, sur les antennes de France, bien calées près de la cheminée. Après une bonne journée passée, l'amateur comme le mélomane va zapper jusqu'à perdre son âme. Les miracles, il finit par trouver le programme qui le fera rêver. Ces prenantes musiques à trois temps, éternelles dans la fuite des temps. C'était la valse lente, les musiques d'antan, on chantait heure exquise, les belles mélodies. Aujourd'hui l'on voudrait, oui, à nouveau les entendre, tout au long de l'année, sur les antennes de France. En voiture mille fois on s'installe, mille fois on fait donner les baffes. C'est bien là dans ce mini-salon que l'on surfe à plaisir sur les ondes. Mille fois on voudra du classique, mille fois une toute autre musique. 1900, c'était la belle époque, douce titre et douce et quelques notes. C'était la valse lente, les musiques d'antan, on chantait heure exquise, les belles mélodies. Oui, à nouveau les entendre, tout au long de l'année, sur les antennes de France. Une petite mise au point tout de suite, pendant que j'y pense. Vous entendez par moment, quand je parle, quand je mets l'antenne, un petit sifflement, ou même un gros sifflement. C'est tout simplement la présence parmi moi, à côté de moi, d'un climatiseur. Et il faut dire qu'on n'a pas le choix, parce que les températures qu'on a actuellement, ou on ne fait pas l'émission, ou alors il y a un sifflement. Mais malheureusement, je n'y peux rien. J'ai pas le don de faire le froid. Et on écoute maintenant Florence Henry, et ça s'intitule le petit coucou des montagnes, pour le plaisir personnel de Paulette à Fleury des Aubrais, et pour celui de l'animateur, merci Paulette, et bon après-midi à tout le monde. Voici donc le coucou des montagnes. facilement le poète, vous avez reconnu bien sûr Florence Henri. tango des jours heureux. Les compagnons du musette. Dans le soir, je m'imagine les plus belles choses dont j'ai envie. Car toutes les idées qui cheminent me permettent d'oublier l'ennui. Et toutes mes humeurs chagrines disparaissent avec la nuit. Je reverrai. Les plus belles lignes de ton cœur, la lumière des étoiles. Je t'aimerai, je t'aimerai, t'aimerai encore. D'un amour fou, d'un amour fort, aidé de la lumière astrale. Toi, mon ami, toi qui navigues dans la nuit, toutes ces lumières qui scintillent sont autant de beaux yeux qui brillent. Mais ne te lance pas défi, celui de réussir ta vie en choisissant parmi les filles celle pour laquelle ton cœur vacille. Je reverrai, je reverrai encore les plus belles lignes de ton cœur sous la lumière des étoiles. Je t'aimerai. Et fini, je me retrouve au d'un pas léger que je me dirige chez moi. J'avais peur que tout me soit étranger, mais rien ne semble changer. C'est bon d'ouvrir les grilles de ma maison. Dans le jardin, tout fleurit. Tu es là qui me sourit. C'est bon d'ouvrir les grilles de ma maison. Les murs n'ont pas vieilli. La maison se rit du temps. Et le vieux chêne a mis son habit de printemps. J'avais peur que tout me soit étranger, mais rien ne semble changer. C'est bon d'ouvrir les grilles de ma maison. J'avais peur que tout me soit étranger, mais rien ne semble changer. C'est bon d'ouvrir les grilles de sa maison. C'était les grilles de ma maison par l'orchestre de Florence Henry. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et maintenant on écoute les compagnons du Musette qui nous interprètent le Passo des Ventres Jaunes qui m'a demandé par un groupe de Solognaux. qui nous écoutent sur Internet. Merci à vous de votre très grande fidélité, parce que je sais que vous écoutez Radio Arc-en-Ciel très souvent. Voici le Passo des Ventres Jaunes, spécialement pour vous. Et quitte un pays où

continue l'accordéon, bien sûr, avec cette fois-ci le trio Mercier, et ce sera Ciel andalou. Ce sera maintenant Bambino, excusez-moi, un chat de la gorge. Bambino par Karine Fontaine. je suis obligé de faire une petite coupure. Un animateur de la radio vient de m'appeler. S'il peut me rappeler, il sera très gentil, parce que je crois qu'on était coupé. Les compagnons du musette. Et maintenant, c'est Guy Denis. Viva España. Belle gitane, c'est René Grandlier. 17h passées de 39 minutes. danse pour moi, belle gitane. Je suis pas à pas, tes rires et tes larmes, toi fille de roi, et moi pauvre diable, je baisse les armes, ma belle gitane. Ce sera maintenant Paul-François Segaldi, Solène Zara. Bon, petit problème technique, c'est encore pas arrivé. Ça, tout arrive. Je vous passe désolé. Solène Zara ne veut pas venir avec nous. Always, c'est Emilio Corfa.

Eh bien, l'émission va bientôt se terminer. Il est 17h passé de 56 minutes. Je vous laisse en compagnie de RDP International en direct du Portugal et on se retrouve demain à partir de 12h30 pour l'accordéon de nos régions. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Et puis pour ceux qui partent en vacances ou qui sont déjà en vacances, eh bien, bonnes vacances à vous. Et ceux qui rentrent, c'est malheureux, il faut prendre le collier. Bon courage. À demain, donc, voici pour terminer René Grolier. Et ça s'intitule Paloma Mexicana.